La pub. C'est chiant, c'est nul, ça te craigne des bouts, attention, sans que ton cerveau le veuille vraiment. Ça y est, c'est gravé dans ton inconscient. C'est pour ça que ce radio, tu en mets pas. Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur le 895 de Duo si vous nous rejoignez en ce jeudi 21 novembre 2019, troisième jeudi du mois. Cela signifie que vous avez rendez-vous avec notre émission mensuelle en collaboration depuis plusieurs saisons maintenant, réalisée avec le GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois. Une émission spéciale aujourd'hui en ce mois de novembre 2019 et la fin d'année est donc décembre qui approche à grands pas. Chaque mois de décembre bien entendu est l'occasion de fêter la Sainte-Barbe et c'est bien sûr la mine qui est à l'honneur à Saint-Étienne. Chaque début de mois de décembre, ce sera le week-end des 7 et 8 décembre prochains, mais eh bien auparavant, en ce mois de novembre, l'occasion de vous présenter un événement minier finalement, hein, coup de grisou sur Saint-Étienne avec le lancement. Ce sera le 26 novembre, donc d'ici quelques jours, semaine prochaine. C'est le Puy Couriot, Parc Musée de la Mine, qui invite le public, les Stéphanois, Stéphanoises, à découvrir sa nouvelle exposition intitulée Kata, K-A-T-A, Catastrophe minière, qui sera présentée jusque mai 2020. Une expo qui traite d'un sujet assez sensible, bien présent bien sûr, hein, dans la mémoire collective des Stéphanois et Stéphanoises. Une exposition dont vont nous parler aujourd'hui Jean-Paul Gachignard et Maurice Bédouin du GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois, qui sont avec nous en studio, au micro. Bonjour à vous messieurs. Bonjour Lionel. Et bonjour. Bienvenue sur cette antenne. Heureux de vous retrouver bien sûr pour nous parler donc du monde minier à nouveau et de ses dangers. On l'avait évoqué il y a quelques temps déjà avec une émission spéciale consacrée quelque peu à ces questions-là avec Jean-Paul Gachignard. L'occasion aujourd'hui donc d'aborder ces catastrophes minières sous un nouvel angle, deux nouveaux angles différents hein, dans le cadre de cette exposition historique, sensible, scientifique, bien entendu. Ce sera donc tout le menu contenu de ce programme GREMOS de ce mois de novembre. Catastrophe minière, Cata, nouvelle expo au Puy Couriot. On en parle avec vous, messieurs, et je vous laisse bien sûr la parole. Oui, merci Lionel. Bonjour Jean-Paul. Alors, encore une émission où Jean-Paul participe, mais toujours avec beaucoup d'enthousiasme et avec beaucoup de connaissances. Et cette fois à propos de cette exposition qui va être inaugurée le 26 novembre et qui porte sur les catastrophes minières. Alors, je crois qu'il n'est pas inutile, Jean-Paul, de te présenter. Tu es conservateur en chef des bibliothèques et tu as travaillé depuis 2008 au service scientifique du musée de la mine au Puy Couriot. Et à la demande du conservateur à ce moment-là, tu t'es consacré à la recherche pour réaliser une première exposition qui était intitulée « Pauvres mineurs, mineurs joyeux ». Cette exposition a eu lieu en 2014. Elle était accompagnée d'un remarquable travail écrit, un catalogue en deux volumes et de deux CD. Tu as ainsi collecté de nombreuses chansons, dont certaines sur les catastrophes minières. Et donc on s'est aperçu que la mine, plus que la mine, les catastrophes minières font partie de la mémoire collective et qu'elles ont occupé une place de premier ordre parmi la création des chansons. Oui, oui. Alors dans les chansons que j'avais rassemblées, qui dans celles qui sont publiées dans Le Pauvre Mineur, à peu près la moitié des chansons et poèmes parle des catastrophes, soit très brièvement, soit de manière plus longue. Donc ça m'a amené à travailler sur les catastrophes minières et en particulier celle de la Loire à ce moment-là. Et puis ensuite, Philippe Père, qui était alors le directeur, m'a dit bah, après, on va faire une exposition sur les catastrophes minières. Et c'est ce projet que Mme Janan, la nouvelle directrice, a pris en charge à son arrivée. Et tout au cours de cette émission, eh bien, nous écouterons deux extraits de ce que tu avais sélectionné. Voilà. Alors, sur les catastrophes minières, bah, ça reste aujourd'hui l'exemple des grands accidents industriels, encore aujourd'hui. Évidemment, elles ont une place beaucoup plus importante dans l'actualité et dans les images qu'on se faisait quand il y a eu des grandes catastrophes minières en France, c'est-à-dire essentiellement entre les années 1870 et 1914, disons, hein, puisque on a eu une énorme catastrophe ensuite, c'était la Première Guerre mondiale, voilà. Où à l'époque, donc, il y avait des accidents miniers qui faisaient plusieurs centaines de morts et pour Courrières, près de 1100. Donc c'était des choses énormes. Et ça, c'est resté aujourd'hui. Par exemple, on se souvient beaucoup moins des explosions de poudrières, où il y a eu des explosions très importantes déjà au 18e, mais surtout au 19e et début 20e, qui ont aussi parfois fait des centaines de morts. On se souvient beaucoup moins des tremblements de terre, qui sont revenus d'actualité. Il y a eu aussi parfois des tremblements de terre très importants en France. Voilà, on se souvient beaucoup moins des grandes inondations, pourtant il y en a eu beaucoup au 19e. Alors pour cette nouvelle exposition, tu as collecté de nombreuses illustrations de catastrophes que tu as empruntées soit aux médias, soit à des ouvrages portant sur la mine, et puis bien entendu en ayant recours aux cartes postales et aux photos qui ont été réalisées. Elles sont donc nombreuses, tu t'es trouvé devant un corpus abondant. Et ce qui est très intéressant dans l'exposition, c'est qu'elles sont projetées, ces illustrations. Alors, est-ce que l'on peut dire que ces illustrations, qui étaient bien connues du public de l'époque, ont marqué les imaginaires ? Oui, bien sûr. Justement, là, dans les années, là encore, hein, fin 19e, début 20e, donc c'est aussi la période de la grande presse populaire illustrée. Le Petit Journal, mais il y avait d'autres titres. C'était souvent des suppléments illustrés à des quotidiens, mais pas toujours. Il y a l'illustration, il y avait la Croix illustrée, donc le supplément du journal catholique, le Progrès illustré, le supplément illustré du Progrès, le supplément illustré du Petit Parisien et des revues comme l'Univers illustré, donc il y en avait beaucoup, et avec des illustrations souvent très outrancières, de toute façon qui relèvent de l'imagination du dessinateur ou du graveur pour la plupart. Mais oui, évidemment, ces images ont joué un rôle très important aussi, oui. Alors bien entendu, il y a aussi la littérature qui n'a pas manqué d'intégrer ces histoires de catastrophes, voire même d'en faire le sujet proprement dit de roman, avec les coups de grisou, avec l'incendie du chou allemand en bois et avec tous les fantasmes qui y sont liés. Oui, on reviendra peut-être sur les causes techniques qui sont un peu plus diverses, mais effectivement, les premiers romans miniers qu'on trouve en France datent des années 1860, donc c'est 20 ans avant Germinal, à peu près. On voit qu'il y a une sorte de stéréotype du roman minier qui se met en place donc dès avant Germinal, que Zola ensuite reprend à son compte, modifie, enfin interprète, voilà. Et effectivement, dès le début, la catastrophe, l'accident minier joue toujours un rôle clé dans les intrigues. même par ailleurs, si le roman est un roman sentimental, bien pensant, absolument standard pour l'époque, dans l'intrigue, l'accident minier, la catastrophe joue toujours un rôle crucial. Et encore plus ensuite, quand on a des descriptions plus circonstanciées et plus réalistes des milieux miniers. Oui, bien sûr. Et après, ce stéréotype du roman minier dure tant que durent les mines de charbon, avec des interprétations qu'on trouve jusqu'aux années 1980 sans difficulté. J'ai pas cherché à être exhaustif, et honnêtement, ça serait une recherche énorme. J'ai plutôt les débuts d'une recherche sur ce sujet-là. Tu as surtout travaillé en historien, et tu as inventorié toutes les catastrophes minières, qu'elles soient françaises, qu'elles soient européennes, et d'une façon générale, les accidents miniers. Alors, on pourrait s'attendre à ce que tu puisses nous dire, voilà combien il y a eu de morts dont la mine a été responsable, dans le bassin de la Loire par exemple. Et en fait, je crois que c'est pas si simple que ça et que c'est difficile à dire. Alors, pour le bassin de la Loire, on a une estimation relativement fiable. On compte à peu près, sur le 19e et le 20e siècle, en tout à peu près 5000 mineurs morts d'accidents dans les mines de la Loire. Tous accidents confondus. Il faut comprendre que même si les catastrophes, comme le puits Verpilleux, fait plus de 200 morts en 1889, mais en fait, les 5000, c'est surtout des victimes de petits accidents. Un mort, deux morts, trois morts, voilà. Bon, et d'ailleurs, surtout des éboulements. Donc, pour la Loire, on a une bonne estimation. C'est dû à l'Association généalogique de la Loire, dont un des membres, à lui tout seul, a épluché tous les états civils du bassin minier et a ressorti sur le 19e tous les... Voilà, il en a fait une brochure qui sert de base maintenant aux travaux des historiens. Et après, en extrapolant sur le 20e, d'après ce qu'on sait, on arrive à peu près à ce chiffre de 5000. Tout en se disant qu'un mineur qui est mort un mois plus tard n'est pas comptabilisé. Voilà, c'est la limite. C'est donc, c'est effectivement... mais c'est comme dans beaucoup d'accidents, il paraît que les chiffres officiels sur les accidents de la route sont sous-estimés d'à peu près 20%. C'est ce que m'a dit un de mes parents. Tout simplement parce qu'effectivement, c'est pas pareil de compter les morts le jour de l'accident, les blessés qui meurent ensuite. Mais en même temps, bon, au moins, si on a les morts le jour de l'accident, on a une base solide. On a un ordre de grandeur qui, lui, est à peu près fiable. Bon, faut savoir aussi que la rumeur publique a parfois tendance à augmenter le nombre de morts dans des proportions assez importantes. Donc, il y a un vrai problème sur ces chiffres. Alors, dans l'ouvrage que tu as réalisé sur le sujet, qui accompagne l'exposition, tu as réalisé une ligne du temps où tu as pointé les différentes catastrophes minières. Alors, à la fois les catastrophes minières du bassin de la Loire, mais aussi les catastrophes minières plus internationales. Alors parlons peut-être davantage de ces catastrophes du bassin de la Loire, et pourquoi pas noter ces deux catastrophes du Puy Jabin qui ont fait 70 morts en 1871 et 186 morts en 1876. On voit que, après ce bilan, les exploitants se mettent à prendre la situation au sérieux. Et puis, probablement qu'ils renforcent la sécurité grâce au recours à la ventilation mécanique et à l'utilisation des lampes Marceau. Mais cela n'empêche pas que quelques années plus tard, 13 ans plus tard, au Puy Verpilleux, l'on ait une catastrophe qui fait, alors attention, 207 victimes. Alors, Jean-Paul, qu'est-ce qu'il faut en penser ? On est dans une situation délicate. Il y a des accidents, on prend des mesures, mais les catastrophes s'amplifient. Alors, oui, il y a plusieurs choses dans cette affaire. D'une part, il faut comprendre que dans les années 1850 et 1860, il y a déjà de très grands accidents miniers en Angleterre et en Belgique. Jusqu'à plus de 300 morts dans une catastrophe anglaise dans les années 1860. Bon, les grandes catastrophes minières françaises arrivent un peu plus tard, ce qui fait que pendant un moment, les ingénieurs des mines se disent « ça n'arrive pas chez nous parce que nous, on sait faire ». Et puis en fait, ça arrive aussi en France, hein, donc avec un peu de retard. Et là, la deuxième explosion du Puy Jabin, alors 186 morts, c'est les morts le jour de l'accident. il faut ajouter 3 blessés comptés par le docteur Rimbaud qui sont morts à l'hôpital. Donc on est au moins à 189, sans doute un peu plus comme chiffre réel, mais qu'on ne sait pas. Et comment dire ? En fait, cette augmentation de l'ampleur des catastrophes est tout simplement liée à l'augmentation de la taille des champs d'exploitation au fond. Les chantiers sont grands, plus il y a de mineurs dedans, mais surtout, plus ces chantiers sont connectés par des travers-bancs, des galeries de liaison, des galeries de transport des matériaux, de ventilation, de tout ce qu'on veut. À ce moment-là, parce que À ce moment-là, ça veut dire aussi que, par exemple, les fumées d'une explosion peuvent se transmettre sur des très grandes distances, que l'explosion elle-même, surtout les explosions de poussière de charbon, peuvent se transmettre sur des grandes distances. Et en fait, c'est ça le facteur principal qui fait l'augmentation de l'ampleur des catastrophes minières fin 19e. Dans le cas du puits Verpilleux, on a eu une suite d'explosions et de morts jusqu'au puits Jabin et jusqu'au puits Saint-Louis. Voilà, ça couvre ensuite. Oui, on a à peu près d'ailleurs la même chose au puits de la manufacture. Enfin, ça veut dire que c'est tout un champ d'exploitation entre plusieurs puits qui est touché. Et donc, automatiquement, des catastrophes beaucoup plus importantes. Et alors, dans cette ligne du temps, tu pointes l'importance de la catastrophe de Courrières qui a eu lieu en 1906 et qui a probablement été un élément déclencheur pour que les compagnies se dotent des moyens beaucoup plus importants pour combattre les accidents. Voilà, oui, Courrières, donc, c'est à peu près 1100 morts, donc c'est immense. Hein, c'est près de 110 km de galeries ravagées. À ce moment, donc, c'est évidemment un traumatisme énorme pour toute la population minière. C'est un drame gigantesque. Et y compris pour les dirigeants des mines, c'est aussi un énorme drame, hein, bien sûr. Il ne faut pas se représenter ces gens comme des gens inhumains. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Et en plus, pour eux, s'ajoute un peu une dimension de compétition nationale. Ils étaient convaincus d'être les meilleurs et finalement, ils se retrouvent avec une des plus importantes catastrophes minières mondiales. Donc le comité des houillères qui regroupe les compagnies, qui est un organisme patronal des compagnies minières françaises, décide de mettre le paquet en termes de moyens et créer la station d'essai de Liévin pour étudier les poussières de charbon. Puisque entre les années 1870 et Courrières, il y a une sorte de controverse internationale sur le rôle des poussières de charbon. Est-ce qu'elles peuvent ou non jouer un rôle dans les grandes explosions minières ? Il y a les poussiéristes qui sont surtout anglais qui disent oui, c'est un facteur important. Bon. Et il y a les anti-poussiéristes qui sont surtout français, mais pas, c'est pas tous les français non plus, qui disent non, nous ne pensons pas que ça peut dépasser soit 10 mètres, soit 60 mètres. Voilà. Et là, avec comme Courrières, il y a de très grandes longueurs de galeries qui sont touchées. Ça permet de voir où l'explosion s'est arrêtée, où elle s'est propagée. Et donc, d'avoir des hypothèses sur comment elle s'est propagée. Parce qu'une explosion, c'est soit les poussières, soit le grisou. Mais le grisou, ça veut dire des volumes de gaz très importants, dans ce cas-là. Et ça veut dire aussi une explosion qui ne se propage pas de la même manière. Par exemple, si l'explosion s'arrête dans une zone de galerie humide, rien n'empêche le passage du gaz. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Et donc, la conclusion de l'ingénieur qui fait le rapport pour le ministère, c'est de dire, finalement, pour Courrières, on a pensé à 6 causes pour l'explosion et pour l'accident initial. On en élimine 2. Entre les 4 autres, on ne sait pas. Mais le facteur le plus important, c'est les poussières de charbon qui, en explosant et en propageant les explosions, ont causé la très grande majorité des dégâts et des morts. Ça, c'est la leçon de Courrières. Et donc ensuite, les compagnies, le comité des houillères, paye plusieurs personnes, met un terrain à disposition, paye la construction d'appareils, la construction d'une galerie factice, de bâtiments, enfin tout ça. Et ce qui fait que Tafanel, qui prend la direction de la station, fait des expériences systématiques sur les poussières de charbon qui s'enflamment le mieux, ce qui lui permet de voir dans quel cas la poussière présente des dangers. Et ensuite, une fois que la galerie factice est construite, il fait des explosions dedans, et là, il casse des vitres à près de 2 km. Alors, il y a un passage des articles où il explique ça, où il rencontre des expériences qui est assez drôle, parce qu'il dit, à tel moment, on n'a pas du tout manqué d'expérience, on en a eu beaucoup. Il faut comprendre qu'il y avait des ingénieurs du monde entier qui venaient voir, des ingénieurs, des hommes politiques, des ministres, enfin des gens comme ça, qui venaient assister à la reproduction du coup de poussière. Ils ont été obligés de reconstruire la galerie d'essai plusieurs fois, parce que c'était des explosions très puissantes. Et alors, dans tes recherches, tu vois que les ingénieurs du bassin de la Loire sont au courant et prennent un certain nombre de mesures. Alors, oui, de toute façon, donc, la recherche sur la sécurité minière ne s'est jamais arrêtée. Et elle commence dès les débuts du 19e siècle. Bon, sur la question des poussières, une anecdote intéressante localement, c'est qu'un des précurseurs sur la question des poussières, ça a été Jean-Claude Verpilleux, qui a fait des expériences là-dessus dès 1819. En accord avec le patron de la mine où il travaillait. Voilà. Et qui, dans les années 1860-70, se fait vraiment un propagandiste, un poussiériste, pour le coup, acharné, en faisant une espèce de campagne de presse pour dire « Non, non, les poussières, c'est très important. » Voilà. Et que les ingénieurs dans le bassin et les ingénieurs des mines étaient assez partagés. On le voit bien dans les comptes rendus qui sont publiés, par exemple, dans la revue de l'industrie minérale. Voilà, alors donc tu as travaillé sur le temps qui passe là pour voir comment ces catastrophes se décomposent. Et puis si on regarde les choses sur un plan spatial, géographique, est-ce que dans le bassin de la Loire, tu vois apparaître des zones plus touchées que les autres ? En ampleur des accidents, oui, les grandes explosions minières se situent presque toutes à Saint-Étienne, hein, que ce soit Verpilleux, c'est à peu près à l'emplacement d'IKEA, voilà, que ce soit le Puy Châtelu, donc sur l'emplacement du parc du Puy Couriot, que ce soit le Puy Jabin à peu près à l'emplacement du siège de Casino, voilà. Donc là, c'est surtout la 8e couche et la 13e couche, la 8e couche étant connue comme grisouteuse. Même si les explosions sont plutôt de poussière, la grisouse, c'est quand même aussi souvent un facteur déclenchant. Après, il y a souvent, on ne sait pas aussi. Et à l'inverse, les mines de Londaine et les mines du Gier sont plutôt réputées non grisouteuses et moins exposées. De toute façon, le grisou, donc, ça n'est qu'une partie des causes. Hein. Il y a les poussières, comme je l'ai dit, dont le rôle n'est mis en évidence qu'après 1907, donc assez tardivement. Il y a eu quand même, en 1840, par exemple, l'explosion du puits de Velru, dit de l'île d'Elbe, donc à Genilac, à Saint-Genis-Terre-Noire à l'époque, donc tout près de Rive de Gier, qui a fait plus de 30 morts, qui a longtemps été la principale explosion minière française. Il y a eu aussi, d'ailleurs, dans les années 1860, plusieurs explosions minières dans l'Ondaine qui ont fait 15 morts, 16 morts. Voilà. Mais effectivement, les principales ont eu lieu sur Saint-Étienne. Et après, oui, tout dépend de la mine, de la couche. Autour du puits presque insondable, on entend résonner soudain comme le fracas formidable d'un cataclysme souterrain. On sent trébucher les murailles, on voit se crevasser le sol. Il passe un vent de funérailles qui vous suffoque dans son vol. Horreur, c'est le grisou qui passe. C'est le minotaure odieux que rien n'attendrit, rien ne lasse, et qui dévore les malheureux. Il vient de frapper sans victime, tel est l'écho de la rumeur. Prions pour ces héros sublimes, glorieux martyrs du labeur. Pour chasser la pâle famine, à l'aube, ils étaient descendus dans les entrailles de la mine, ainsi que des enfants perdus. Sous leurs rudes mains aguerries, se détachait le noir charbon. Rien, dans les mornes galeries, ne présageait l'affreux démon. Mais comme un ogre opiniâtre, le grisou vient à pas de loup, puis, dans un grand manteau bleuâtre, les enveloppe tout à coup. Au secours, La mine est en flammes. C'est la clameur du désespoir. Petits enfants, vieillards et femmes interrogent le gouffre noir. Fleurissez de roses vermeilles le cercle de chaque mineur et souvenez-vous dans vos veilles qu'ils sont tombés au champ d'honneur, qu'ils sont tombés au champ d'honneur. Bien que du lugubre orifice s'échappe une vapeur de feu, de hardis preux entrent en lice pour sauver leurs frères en Dieu. Tous, sans faiblir au sein des ombres, vont tenter un suprême effort. Mais il n'est plus sous les décombres que le silence de la mort. À l'heure où le soleil s'efface dans les nuages irisés, on ne remonte à la surface que troncs humains carbonisés. Hélas, dans ces tristes épreuves, c'est trop de deuil et de sanglots, trop d'orphelins et de veuves, de doux regards à jamais clos. Fleurissez de roses vermeilles le cercle de chaque mineur et souvenez-vous dans vos veilles qu'ils sont tombés au champ d'honneur, qu'ils sont tombés au champ d'honneur. Il faut pourtant à la patrie de quoi fournir ses arsenaux. Du combustible à l'industrie, comme à la fin des hauts fourneaux. C'est pourquoi nos mineurs stoïques, que nul ne saurait outrager, comme des soldats héroïques, meurent en frondant le danger. Fleurissez de roses vermeilles le cercle de chaque mineur et souvenez-vous dans vos veilles qu'ils sont tombés au champ d'honneur, qu'ils sont tombés au champ d'honneur. Superbe chanson, superbe interprétation. Il s'agissait du Grisou, Souvenir de Verpilleux. Alors je rappelle que nous sommes en compagnie de Jean-Paul Gachignard à propos de l'exposition du musée Couriau « Catastrophe minière ». Jean-Paul, cette chanson magnifique insiste sur la part du grisou dans ces catastrophes minières et je crois que dans la représentation populaire, c'est le grisou, un point c'est tout, alors que vous allez nous dire combien d'autres causes sont responsables des catastrophes minières. Oui, on parle de coup de grisou aujourd'hui hein, pour toutes les grandes explosions des mines de charbon. Et en fait, dans 95 à 98% des cas, le principal facteur des grandes explosions, c'est les poussières de charbon. Voilà. Donc d'une certaine manière, les coups de grisou, ce n'est pas des coups de grisou. Bon, ça surprend un peu. J'ai d'ailleurs été très surpris en me rendant compte de ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le danger des poussières de charbon, comme je le disais tout à l'heure, n'a été réellement compris et réellement analysé qu'après la catastrophe de Courrières, donc après 1906, donc assez tardivement. Et les causes donc, des grandes catastrophes minières, donc le grisou... Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'une grande catastrophe, il y a souvent plusieurs causes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une cause initiale, et ensuite des causes aggravantes, et les causes aggravantes peuvent augmenter dans des proportions énormes. Quoi. Alors, donc on a effectivement dans les causes, on a le grisou, ça tout à fait, qui a toujours été un danger évident. Bon, on a donc les poussières de charbon, on a les feux et incendies souterrains, et en particulier les feux spontanés de charbon qui peuvent ensuite se développer en incendie. On a les inondations, par exemple l'inondation de la mine de Lalle dans les Cévennes en 1861 qui a fait 105 morts, donc c'est quand même très considérable. Bon, moi j'ajoute, parce que j'ai un peu du mal à séparer les catastrophes des accidents de tous les jours, hein, et puis je ne sais pas très bien où est la limite entre les deux, que la principale cause des morts dans les mines, ça a été les éboulements, qui n'ont pratiquement jamais causé de grands accidents, mais qui ont causé le plus de morts. Et on a aussi tous les accidents de machines, les bennes, les locomotives, les plans inclinés, les ascenseurs, les puits aussi d'ailleurs, bon, qui ont aussi fait des morts, surtout dans la dernière période. Mais voilà, pour les... Donc, alors, dans l'ordre, moi, je mettrais poussière en premier, grisou, feu et incendie, inondation, pour les grandes catastrophes. Et les inondations étant celles qu'on ne peut le moins prévoir, parce que tout d'un coup, une poche d'eau s'ouvre. Alors, en fait, les deux causes d'inondation, hein, là, c'est soit des entrées d'eau à partir essentiellement d'anciens travaux. Dans la Loire, dans le bassin de Loire, il n'y a pas véritablement de nappe phréatique, donc tout ça est assez poreux sur toute la hauteur. Et donc surtout des anciens travaux mal répertoriés, et éventuellement aussi les entrées d'eau de surface. Sachant qu'à Lalle en 1861, on a les deux choses d'ailleurs, on a une inondation, la rivière qui est en crue et qui finit par tomber dans la mine, mais elle tombe aussi en partie parce qu'il y a d'anciens travaux proches de la surface, et en partie parce qu'ils sont mal répertoriés, et en partie parce qu'on est en train de percer dans cette direction. Donc finalement, les mesures contre les inondations, ça a été pris assez tôt au 19e, hein, dès les années 1810-1820, ça a été de transmettre obligatoirement les plans à l'administration des mines, de faire des demandes de travaux, donc de demander l'autorisation à l'administration des mines avant de percer dans telle et telle direction. Donc l'administration des mines étant chargée de collationner les plans et de vérifier. Et puis deuxièmement, de faire des sondages en avant des percements. Et donc à partir de ce moment-là, ça réduisait énormément le risque d'inondation. Alors tu as employé aussi le terme de feu, le terme d'incendie, et il faut faire une différence entre les deux termes. Voilà, oui, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le charbon, quand il est mis en présence d'oxygène, donc en présence d'air, a tendance à s'enflammer spontanément, très lentement par contre. C'est une réaction d'oxydation qui produit de la chaleur, donc qui fait monter la température, mais très très très progressivement. Et puis, le charbon donc, peut brûler sans flamme jusqu'à des températures assez hautes. Évidemment, quand il est très chaud, il peut enflammer d'autres matériaux situés à proximité, par exemple du bois, par exemple des toiles d'aérage dans les galeries. Donc on parle d'incendie quand il y a des flammes et de feu quand il n'y en a pas. Alors parfois, dans une catastrophe, on voit certains mineurs ou certains chantiers qui passent à travers, qui ne sont pas atteints. Comment peut-on l'expliquer, ça ? C'est difficile à dire. Enfin, c'est la propagation des explosions, c'est la propagation des fumées. Les explosions et les incendies produisent beaucoup de fumée, hein, puisque c'est des réactions de combustion massive. Beaucoup de fumée. Ces fumées, c'est souvent des combustions incomplètes et ça contient du monoxyde de carbone. Hein, c'est comme les poêles à bois mal réglées, les groupes électrogènes et autre chose. Et ces fumées, après, la mine, c'est un milieu confiné. Donc, elles peuvent se propager sur de très longues distances. Ces fumées ne disparaissent pas. Elles ne disparaissent que quand elles sont évacuées en surface, finalement. Et donc, dans les grandes explosions minières, on a grosso modo, parce qu'il n'y a pas de statistiques précises, mais c'est grosso modo la moitié des morts ou plus qui sont des morts par asphyxie. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Ah oui. Et tu t'es intéressé aussi à tout ce qui tourne autour des secours. Alors, on a les ingénieurs qui descendent, on a les équipes de secours, dans les hôpitaux, les médecins... Tout ça représente un investissement extrêmement important et intéressant à étudier. Bah, Déjà, c'est pas particulier aux catastrophes minières, puisque dès qu'il y a une grande catastrophe, c'est vrai aujourd'hui aussi, hein, où tous les pompiers, la police, enfin tout le monde est sur le pont. Bon, ce qu'on voit dans les catastrophes minières de la Loire, dès le début du 19e, c'est qu'on voit toutes les autorités, le préfet, le procureur, le maire, les conseillers municipaux, les officiers de la garnison, et on voit aussi les prêtres, par exemple, sur place et parfois même au fond des galeries. Comment dire ? Oui, c'est des événements énormes. Il y a besoin des médecins pour soigner les blessés. Il y a les mineurs. De toute façon, dès la loi de 1810, les compagnies minières voisines sont tenues d'apporter leur concours en cas d'accident. Et de toute façon aussi, les mineurs eux-mêmes et les ingénieurs sont volontaires pour aller effectuer les reconnaissances dans les galeries, relever les corps dans des conditions souvent très dangereuses. Voilà, et souvent aussi très pénibles. Oui, c'est ce qu'on voit dans les... Comment dire ? À Saint-Étienne, comment dire ? Oui, pour reprendre, à Courrières, on compte 27 000 personnes autour des puits. Lors de la catastrophe du puits Châtelut, donc en 1887, donc 79 morts, on compte 7 000 personnes autour du puits dans le quartier Beaubrun et environ, quoi. Il y a tout de suite des foules très importantes. C'est à la fois des familles et des amis qui cherchent à avoir des nouvelles des personnes qu'ils connaissent, hein, identifier les victimes, savoir qui en a réchappé, qui pas. C'est souvent compliqué et au début, c'est pas fait de manière très, très solide. Et puis, c'est aussi des badauds, hein, parce qu'à l'époque, on n'a ni la radio ni la télé, et donc un événement extraordinaire, on va voir, quoi. Oui. Sirène et grille fermée, et la foule attend dehors. Pas toujours, non. Les puits, les enceintes des puits ne sont fermées qu'assez tardivement au 19e et surtout au 20e. Et donc, ce qu'on voit par exemple sur beaucoup de gravures, c'est que la foule rentre sur les plâtres directement. Alors, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il y a besoin des gendarmes et de l'armée, c'est pour tenir la foule quand même un peu à distance, éviter que la foule rentre dans le chevalement, mais elle rentre dans le chevalement dans les années 1860, dans les années 1870. Les enceintes industrielles ne sont closes qu'assez tardivement, en fait. Alors, est-ce que tu as eu recours à des récits familiaux ? Est-ce que dans les archives, on a des récits qui nous font entrer dans le drame que ces familles peuvent connaître ? Comment dire ? Bon, moi, j'ai pas eu le temps de faire une recherche complète et exhaustive. Il y a encore beaucoup de travail à faire. J'ai trouvé des récits surtout dans la presse, puisqu'il y a beaucoup de récits qui sont transcrits dans la presse, mais c'est vrai que ce n'est pas des récits familiaux, c'est plutôt des récits de témoins. Et après, il se trouve que par mes connaissances, j'ai aussi rencontré des personnes, des familles, mais relativement peu. Et par contre, je n'ai pas eu le temps de faire une enquête de type ethnographique auprès des familles, comme ça a été fait par exemple auprès des familles des victimes du Puy Charles, où il y a un CD-ROM tout à fait intéressant qui a été fait récemment, et qui est vraiment, pour le coup, moi j'ai trouvé un matériau de recherche assez exceptionnel. L'adieu différé de Xavier Charpin à propos de la catastrophe de la Chana représente un témoignage intéressant. Ah ben, bien sûr. Oui, Charpin donc a travaillé à la Chana et a arrêté quelques mois avant l'explosion. Donc bon, il témoigne alors à sa manière, avec son expérience. Oui, bien sûr, c'est des choses intéressantes, oui, bien sûr. Alors, toutes ces catastrophes donnent lieu à des enquêtes, avec l'arrivée des délégués mineurs, avec l'arrivée de la police. En fait, la loi de 1810 impose qu'il y ait enquête par le service des mines, par l'administration des mines, chaque fois qu'il y a mort d'homme et même chaque fois qu'il y a blessé grave. Donc, les ingénieurs du service des mines font pratiquement systématiquement des enquêtes qui sont souvent longues, qui sont des enquêtes techniques et avec des rapports qui maintenant sont conservés aux archives départementales, voilà, et qui ont d'ailleurs pour bonne part, enfin en bonne part, un certain nombre d'entre eux ont été publiés dans les annales des mines. Voilà. Alors à ça s'ajoutent les enquêtes judiciaires, puisqu'il y a effectivement des enquêtes judiciaires pour chercher les responsables, ce qui est souvent extrêmement difficile. Et après la 1890, donc effectivement, les délégués mineurs, bon, moi je vais mettre un bémol, c'est-à-dire que les délégués mineurs connaissent, enfin, comment dire, ne connaissaient pas toujours bien toutes les causes d'accidents miniers, donc ils avaient tendance surtout à décrire ce qu'ils voyaient, par exemple les boisages mal entretenus, les galeries où il fallait patauger, le fait qu'il n'y avait pas le bon matériel. Voilà, c'est surtout sur les boisages mal entretenus, ça on le trouve assez systématiquement. Et c'est l'occasion de mettre en cause l'exploitant et de dire qu'il n'a pas fait l'entretien convenable. De la part du... Oui, bien sûr, Bon, l'histoire des délégués mineurs, ça mériterait une émission à soi tout seul, et parce que c'est au départ la demande, c'est autre chose en fait. Mais comment dire ? Donc en tout cas, voilà, il y a des enquêtes très approfondies. Bon, maintenant il faut comprendre que même avec une enquête très approfondie, on ne peut pas toujours trouver les causes d'un accident. Et très souvent, et en particulier pour les grandes catastrophes, on ne connaît pas réellement la cause d'un accident. On a des hypothèses plus ou moins vraisemblables, mais il reste des zones d'incertitude. Bon, ce qui est difficile à admettre, mais aujourd'hui, il n'y a pas moyen de refaire le... Et parfois, le cas est examiné en justice, comme ce fut pour la catastrophe du Puy-Combes, à Roche-la-Molière. Pour la catastrophe de Puy-Combes, où d'ailleurs la procédure a un peu fini en autre boudin, bon, mais aussi pour la catastrophe du Puy-Châtelut, où là, le directeur et un ingénieur de la compagnie ont été condamnés pour ne pas avoir fait respecter le règlement sur les tirs de mine. Puisque le règlement, donc, édicté par l'administration des mines, édicté par le préfet à la demande de l'administration des mines, disait voilà, les cartouches d'explosifs doivent être gardées à part et les tirs ne doivent être faits que par du personnel spécialisé. Bon, et en fait, à Beaubrun, au moment du Puy Châtelut en 1887, ben, n'importe quel mineur pouvait aller prendre des cartouches et aller les tirer où il voulait. Donc ils ont été condamnés à des amendes pour ça. Bon, aujourd'hui, on serait plus sévère. Alors, la dernière catastrophe qui a secoué le bassin de la Loire date d'un peu plus de 50 ans maintenant. C'est celle du Puy-Charles à Roche-la-Molière. Elle date du 3 mai 1968. Donc, j'insiste bien sur la date 1968, puisque l'actualité était faite par autre chose et qui se déroulait dans les rues, dans les universités. Alors, dans cette période-là, nous sommes rentrés dans un moment technique où... Les ingénieurs sont très attentifs aux questions de sécurité. Et pourtant, l'accident s'est produit. Alors, Jean-Paul, tu as bien étudié le dossier, tu as même rencontré des témoins. Quelle analyse peux-tu en faire de cette catastrophe ? Bon, déjà, on ne connaît pas toutes les causes. Le rapport de l'administration des mines, n'est pas absolument formel. On soupçonne le rôle du grisou, puisqu'effectivement la couche était très grisouteuse, puisqu'effectivement c'était un traçage, donc une galerie avant la mise en exploitation de la tranche, qui était en cul-de-sac. Ceci dit, il y avait une ventilation qui était amenée jusqu'au bout de la galerie. Bon, il y a clairement eu un problème, il y a eu une flamme de poussière qui s'est arrêté à la limite de la zone arrosée, et ça pose un problème. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème d'arrosage, mais dont on ne sait pas du tout qui a été responsable. Dire l'arroseur est mort dans l'accident, le bout de feu est mort dans l'accident, le chef d'équipe est mort dans l'accident. Il y a eu 6 morts en tout. Ce qui est sûr, c'est que la question de l'arrosage des zones de tir, elle est posée dès le début du XXe siècle. Et donc que les consignes, en tout cas officielles au niveau du ministère, c'était on arrose les zones de tir. Et là, L'arroseur a une panne de réveil et de toute façon, toute la zone n'a pas été arrosée. Bon, après, il y a d'autres. Donc, il y a un incident de tir, hein. Il y a un raté d'une cartouche dans l'affaire. Ça, c'est une certitude aussi. Il y a des questions de. Comment dire, de mise à l'abri pendant le tir, puisque bah, des témoins qui, eux, ont connu. Peu de temps après, disait non, mais les consignes, c'était pas ça, c'était de se mettre dans les à l'abri des fumées s'il y en avait, donc non pas dans la galerie de traçage, mais dans les galeries où l'air circulait en amont, quoi. Voilà. Il y a peut-être le grisou, certainement une flamme de poussière sur quelques dizaines de mètres, ce qui suffit à produire énormément de chaleur et de fumée et de monoxyde de carbone. Les équipes de sauvetage ont travaillé dans des conditions épouvantables, à plus de 50 degrés, dans de la fumée, sous les masques, enfin bon, et en devant se relayer très très rapidement. Voilà. On ne connaît pas toutes les causes encore aujourd'hui. On est assez impressionné, Jean-Paul, par ton érudition, parce que tu es capable de parler de toutes ces catastrophes comme si tu possédais parfaitement tout le dossier. Quoi. Ah non, il faut pas dire ça. Non. Il y a beaucoup de recherches à faire. Bon. Alors, tout ça pour dire que ton travail a servi à composer un ouvrage. Qui va paraître hein, dans la semaine qui vient, nous l'aurons au Puy Couriot et dans les librairies. Et je crois que l'on va y retrouver une bonne part de ce que tu nous as dit maintenant, et bien plus. Et puis, on renvoie nos amis à l'exposition elle-même, qui sera inaugurée Le 28. En fait, l'inauguration a lieu le 28 et l'exposition ouvre le 26. Ah, voilà une précision importante. Parfait. Et puis, sans oublier que toutes ces personnes qui sont intéressées par les questions minières auront l'occasion de se retrouver au moment des célébrations de Sainte-Barbe, donc notamment à Couriot le 7 décembre, mais aussi dans d'autres communes du bassin minier, à Roche-la-Molière, à Firminy et peut-être à La Talaudière. Voilà, je me tourne vers Lionel maintenant parce que l'actualité culturelle du moment est assez intéressante. Tu vas nous annoncer des moments importants. Oui, alors peut-être juste prolonger un petit peu l'agenda concernant cette exposition au Parc Couriot, au Parc Musée de la Mine, puisqu'il y a bon nombre aussi d'animations qui sont proposées autour de cette exposition, pendant toute la durée de l'expo, c'est-à-dire jusqu'au mois de mai 2020, mais toute une programmation variée a été mise en place. Et par exemple, là, au mois d'octobre dernier, le Puy Couriot a été le lieu de résidence de différents artistes, 10 artistes de différentes disciplines, dessin, bande dessinée, écriture, photographie, et chacun a mis sur papier ses impressions naissant de l'exploration du site et du fonds de documentation. Et par exemple, eh bien, un ouvrage a vu le jour, il s'intitule « Au fond du jour », qui recueille donc les travaux des artistes invités et que vous pouvez retrouver pendant cette exposition. Et puis le collectif ENA également, E-I-N-A, animera des ateliers autour de la mine en BD pour enfants et familles. Il y a un grand concert, même BD est prévu, ce sera le 15 février prochain, mais on renvoie bien entendu aussi sur le site dédié musée-mine.saint-etienne.fr pour avoir toutes ces informations en détail. Pour les autres rendez-vous, en effet, Maurice, on peut parler de l'Institut du Travail, par exemple, que l'on connaît bien, qui est membre du GREMOS, hein, par ailleurs, qui est une composante de l'Université Jean Monnet, gérée par un conseil composé d'universitaires, de représentants syndicaux, pardon, la CGT, CFDT, FO, et d'autres représentants du monde du travail. Il s'agit bien du monde du travail au sein de l'Institut du Travail, qui propose des conférences régulières, que d'ailleurs nous proposons occasionnellement sur cette antenne en rediffusion, retransmission. Et bien la prochaine, par exemple, ou le prochain rendez-vous, parce qu'on va parler de la conférence en effet d'ici peu, mais le prochain rendez-vous de l'Institut du Travail, c'est autour d'un séminaire de recherche qui se déroule pas plus tard que demain, ce 22 novembre, ce vendredi, les syndicats à l'épreuve du changement. Alors une sacrée question posée avec le laboratoire Laser qui consacre ce séminaire à la situation syndicale actuelle autour des réformes récentes du droit du travail, des syndicats qui sont un peu à la peine, une crise sociale en cours, le mouvement des Gilets jaunes bien sûr, en ligne de mire, mais d'autres formes de protestation qui interpelle aujourd'hui les organisations syndicales. Alors voilà, comment dans ce contexte actuel les syndicats peuvent-ils reconquérir le peuple travailleur, c'est-à-dire à la fois travailleurs précaires, salariés, chômeurs et autres? Eh bien, ce sera le but de ce séminaire qui se déroule demain toute la journée de 9h30 à 16h30 à la maison de l'université qui est située 1 rue de l'université à Saint-Étienne. Ce sera à la salle 003. Mais pour ce, il faudrait éventuellement s'inscrire et il faudrait donc contacter l'Institut du Travail à cette adresse mail que je vous livre en plein, accueil-idt pour Institut du Travail, accueil-idt@unif-st-etienne.fr. Voilà, accueil-idt@unif-st-etienne.fr. Ça, c'est pour le séminaire qui a lieu demain. Pour la prochaine conférence de l'Institut du Travail, elle se déroulera le 27 novembre prochain, donc ce sera la semaine prochaine, c'est pas très loin non plus. Travailleurs intellectuels et travailleurs manuels peuvent-ils s'entendre? Voilà, c'est la question posée pour cette prochaine conférence du 27 novembre autour de cet intitulé « L'anti-intellectualisme en France ». C'est là aussi une conférence qui sera animée par l'Institut du Travail et son invité Sarah Al-Matari qui retracera les polémiques qui ont entouré depuis les années 1840 la possibilité d'une alliance entre travailleurs manuels et intellectuels. On en reparlera sur cette antenne d'ici ce rendez-vous, mais vous pouvez le noter d'ores et déjà, donc conférence qui ont lieu comme habitude de 18h à 20h dans l'amphithéâtre E01. C'est sur le site Tréfilerie, entrée par la rue Richard pour l'arrêt de tram. C'est l'arrêt Tréfilerie. On rappelle que ces entrées sont libres et gratuites pour accéder à ces conférences. On a parlé de séminaire, on a parlé de conférence, on peut parler de colloque. C'est un rendez-vous qui est relayé sur le site du Grémos, grémos.loutre.net, on le rappelle. C'est un colloque qui revient sur une autre tragédie et là aussi de nombreux disparus, mais cette fois dans le cadre d'un conflit mondial. C'est celui de 14-18 et 2019, de la guerre à la paix, la Loire en 1919. C'est un colloque qui est organisé par la Diana. Peut-être précision sur ce qu'est la Diana Maurice. Société d'histoire de Montbrison. Voilà, et qui propose ce rendez-vous. Donc c'est également cette fin de semaine, ce vendredi 22 novembre. C'est au Théâtre des Pénitents à Montbrison de 9h30 à c'est en journée. Alors je vais essayer de tenter de retrouver exactement l'heure de fin et de conclusion du colloque. Ce sera à 17h15. Voilà, ça se déroule donc demain toute la journée. On retrouvera Luc Roras par exemple, oui, qui avait été invité dans le cadre de Journée d'études. Ici, Jean Lorsin également. Jean-Michel Sénère. Professeur honoraire à l'Université Lyon 2 qui seront présents pour cette journée de colloque. Mais là, à nouveau, de la guerre à la paix, la Loire en 1919. Vous avez toutes les infos sur le site du Grémos. Maurice, tu voulais compléter peut-être ? Non, un beau panorama que tu nous as tracé, qui nous donne envie de participer à beaucoup de ces événements. Et puis, on termine par une belle évocation sonore. Oui, tout à fait. J'avais quand même peut-être un ou deux rendez-vous à nouveau à rappeler, Maurice, si tu me le permets. On avait aussi noté ce rendez-vous avec la librairie L'une et l'autre, avec qui aussi nous collaborons quand même régulièrement, et le collectif Rosa Bonheur, le Centre social du Babet et le Master Alterville de l'Université de Saint-Étienne, qui propose une rencontre, c'est aujourd'hui, ce jeudi 21 novembre, c'est ce soir à 18h30 au Club Babet, 6 rue Jeanne Jugon à Saint-Étienne. C'est un ouvrage qui vient de paraître, qui s'intitule « La ville vue d'en bas ». Il est question encore de travail et de production, puisque le sous-titre de ce livre, c'est « Travail et production de l'espace populaire ». C'est paru aux éditions Amsterdam, qui a d'ailleurs un catalogue très intéressant, et qui revient sur la désindustrialisation à l'œuvre depuis les années 1970, et qui a confiné des pans entiers des classes populaires aux marges du salariat. Donc c'est un essai, et le collectif Rosa Bonheur est allé à la rencontre de ces personnes en cherchant à comprendre comment ils organisent leur quotidien, comment ils font face concrètement aux problèmes de la subsistance et de la stigmatisation dont ils peuvent être victimes. Que font ces gens dont on dit qu'ils ne font rien? C'est en résumé la question qui est posée au travers de cette enquête qui dresse le portrait de femmes et d'hommes en marge de l'emploi salarié, mais qui sont loin d'être inactifs. Voilà, c'est le rendez-vous donc du jour, ce jeudi 21 novembre à 18h30 au Club Babet, je le rappelle, 6 rue Jeanne Jugan à Saint-Étienne. Et puis, un dernier rendez-vous, parce qu'on va bien sûr parler des journées d'études du Grémos qui vont avoir lieu début d'année 2020, mais l'année 2020 va être très chargée, au printemps également, printemps prochain, en effet, avec un rendez-vous autour de Lorraine Cœur d'Acier. Donc là aussi, Maurice, Jean-Paul, vous connaissez bien à la fois cette région et cette histoire qui a mobilisé syndicalistes, ouvriers, mais aussi toute une population, tout un ensemble de catégories de personnes qui se sont mobilisées fin des années 60. 70, avec aussi là aussi une action syndicale forte, hein, notamment marquée par la CGT, et où notamment, c'est aussi une histoire radiophonique, s'est mise en place une radio pirate, Lorraine Cœur d'Acier, dans la ville de Longwy, en Meurthe-et-Moselle, pour donc se mobiliser et lutter contre les fermetures d'usines dans ce milieu sidérurgique. Alors, c'est initialement un projet syndical, mais c'est aussi un véritable projet populaire, et c'est une période anniversaire, 79-2019, pas mal d'événements pour célébrer aussi et rappeler un petit peu ce moment fort. Eh bien, ce sera l'occasion de le célébrer aussi à Saint-Étienne et le mettre en résonance avec finalement aussi l'actualité, le contexte et puis la situation ici locale à Saint-Étienne. C'est Radio Dio, La Laverie et Avataria, trois associations qui s'organisent pour proposer donc au printemps 2020 eh bien, un événement autour de l'histoire de Lorraine Cœur d'Acier. J'imagine que le Grémos peut être partie prenante, en tout cas elle a manifesté son intérêt pour cet événement. Eh bien, on vous rappellera bien entendu les réunions publiques qui peuvent se tenir autour de ce projet qui reste très très ouvert. Toutes les bonnes propositions sont bienvenues, bien entendu. Vous avez toutes les infos et la présentation de cet événement autour de Lorraine Cœur d'Acier sur le site participatif collaboratif le numéro 0.l'autre.net. Voilà, on va terminer sur ces infos, Maurice et Jean-Paul, en proposant, alors non pas un extrait à nouveau du livret Jean-Paul dont on a très largement parlé sur cette antenne, hein, mais on va le rappeler, c'est Pauvres mineurs, mineurs joyeux, poèmes et chansons sur les mines et les mines de la Loire 1815-1914, qui est toujours d'ailleurs disponible, hein, Jean-Paul, notamment du côté du parc, enfin du Puy Courriot au musée de la mine, bien sûr. Mais on va terminer avec une autre proposition, et j'avais envie de vous faire découvrir en effet ce titre d'un duo stéphanois qui rend hommage ici à nos gueules noires. Le titre s'appelle tout simplement Les Gaules Noires. Il évoque bien entendu la pénibilité et la dureté du travail, mais aussi les catastrophes et dont le grisou, bien entendu. C'est le duo Voé qui avait sorti cet album il y a déjà quelques années et où figure ce titre Les Gueules Noires. Je vous propose de terminer donc avec cette proposition musicale pour finir. On se retrouve le mois prochain, 3e jeudi de décembre, bien entendu, pour une nouvelle émission Grémos. Merci. Portez-vous Lionel. Bien. À bientôt. fatalité. Au fond du puits, au fond du trou, à coups de pioche, à coups de grisou, dans les galeries de la nuit à perte de vue, les gueules noires à moitié nues. Dans les galeries, les gueules noires à moitié nues, dans les galeries de la nuit à perte de vue, les gueules noires à moitié nues, dans les galeries de la nuit à perte de vue, les gueules noires à moitié nues, dans les galeries de la nuit à perte de vue, les gueules noires, les gueules noires, les gueules noires. Mais j'ai le droit d'en être fier. Mais j'ai le droit d'en être fier. De mes pères et de mes frères, de mes pères et de mes frères, pour qui ce fut le même salaire. Mais j'ai le droit d'en être fier. Mais j'ai le droit d'en être fier.